notre balade en France nous amène maintenant en Bretagne, plus exactement à Quimper, cité célèbre pour son festival des Cornouailles qui rassemble chaque été des dizaines de joueurs de biniou et de bombarde. À l'ombre de la cathédrale Saint-Corentin, dont les travaux ont commencé au XIIIe siècle pour s'achever sous Napoléon III, les maisons à pans de bois perpétuent l'art breton. Dans les ruelles du centre-ville, de nombreux magasins proposent la célèbre faïence de Quimper, fabriquée à partir d'argile mélangée à du sable, ce qui donne une poterie à pâte poreuse. Ainsi donc, sur les bords de l'Odet depuis 300 ans, la faïencerie H.B. Henriot cuit sa poterie dans des fours chauffés au bois, moule, façonne, émaille et peint à la main ses produits artisanaux. Nadine Foutrier a rencontré dans les ateliers de la faïencerie Françoise Benneau. Cette dernière confirme que la couleur bleue est le ton qui prédomine dans tous les objets fabriqués. C'est vrai que le bleu fait vraiment partie des couleurs de Quimper, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres couleurs. Dans tous les décors, le bleu existe. Hein. Mais ceci dit, nous avons du jaune, du rouge, nous avons d'autres couleurs également. Alors, venons maintenant au savoir-faire qui n'existe nulle part ailleurs que dans ces faïenceries. Il y a ce qu'on appelle le coup de pinceau. Et avant de parler de ce coup de pinceau magique, rappelons que tout est fait à la main. Si on a quelques talents que ce soit, comment fait-on lorsqu'on est légèrement artiste pour venir travailler à la faïencerie de Quimper ? Alors, pour intégrer les ateliers à la faïencerie de Quimper, il suffit d'aimer décorer, d'aimer peindre. Et ensuite, la formation se passe dans les ateliers même de la faïencerie de Quimper. Les apprentis ont 3 ans d'apprentissage à la faïencerie même. Alors, parlons de ce coup de pinceau. C'est un rapide petit coup de poignet. Généralement, personne ne rate son trait. C'est bien ça ? Mais disons qu'on ne peut pas se permettre de rater parce que comme on peint sur de l'émail cru, si on rate, ensuite on ne peut plus rattraper. Donc c'est vrai qu'il faut être très habile et on ne peut pas se permettre de rater. Et une chose importante aussi, on nous dit que toutes les pièces entièrement décorées par la même personne du début jusqu'à la fin, eh bien l'artiste va signer lui-même la marque Henriot sous chaque pièce. C'est vrai, on peut retrouver des artistes, le nom des artistes, car ils mettent leurs initiales au dos de chaque pièce, comme également le nom du décor et le nom de la forme de l'objet. Tout est signé de cette façon. L'originalité des produits de la faïencerie de Quimper est multiple. Dans le magasin qui jouxte l'atelier, Nadine Foutrier a rencontré Olivier Stéphan, grand amateur et collectionneur de poterie bretonne. Il nous dit tout ce que l'on peut trouver dans la gamme des faïences du pays quimpérois. Des assiettes, des plats et des bols surtout, parce que le petit déjeuner, ça se prend dans des bols en Quimper. D'ailleurs, je crois que c'est mes premiers souvenirs d'enfance, c'est le bol avec les oreilles, avec le petit breton à l'intérieur et avec le prénom qu'on faisait peindre dessus pour avoir une série spéciale. Mais en fait, que représentent ces motifs qui sont peints sur la poterie ? Les motifs de la faïence de Quimper reprennent les scènes de la vie courante de la Bretagne. Et c'est vrai que le breton et la bretonne sont au centre de la Bretagne. Donc c'est pour ça qu'ils sont présents sur beaucoup de décors. Ils sont les décors typiques et classiques de la faïencerie de Quimper. Le plus beau décor, c'est le prestige de Quimper. C'est ce qui a fait un petit peu la renommée de la faïence de Quimper et qui a été créé par Alfred Beau, qui avait à l'origine une formation de photographe et qui a retranscrit des scènes dans tout leur ensemble, des scènes de la vie courante, des scènes bretonnes, mais avec des décors très très détaillés. Donc ces décors aujourd'hui, on les appelle le prestige de Quimper et c'est vrai qu'ils sont très prestigieux et de ce fait d'un certain prix car ils demandent beaucoup d'heures de travail. Le basique de la faïence de Quimper, on peut dire, c'est le bol breton, le fameux bol breton avec le prénom dessus. C'est vraiment le classique de Quimper. Comment reconnaît-on le vrai Quimper du faux ? Alors, le vrai Quimper se reconnaît à la signature. La signature est la garantie du Quimper. Et au dos de chacune de nos pièces, il y a la signature H.B. Henriot, Quimper. Maintenant, nous ne mettons plus la mention pain-main parce qu'il va de soi que H.B. Henriot ne fait que du pain-main. Chaque artiste travaille avec ses propres pinceaux, qu'il coupe et façonne en fonction de ses besoins personnels. Comme leurs ancêtres, les artisans d'aujourd'hui peignent méticuleusement les décors de chaque objet. Olivier Stéphan nous donne son avis sur les objets disponibles. Pour moi, le Quimper, c'est les assiettes, les bols, les ustensiles de cuisine. Après, le fait que ce soit devenu des objets de décoration, ça m'intéresse beaucoup moins. Ce qui était important dans le Quimper, c'est que c'était des objets usuels. Il y avait le pot à lait, il y avait le petit beurrier, il y avait toutes ces choses-là qui étaient uniquement des ustensiles. Maintenant, on trouve des personnages, on trouve tout un tas de formes, des vides-poches, des choses comme ça qui dénaturent pas le produit lui-même, mais qui en fait plutôt un objet de collection qu'un objet de fonctionnement. Olivier se souvient de vacances passées chez sa grand-mère bretonne dans un environnement très traditionnel qui est encore très précis dans sa mémoire. Il y avait notamment une grenouille. Alors, ça, c'était surprenant parce que pour moi, cette grenouille, elle n'était pas en faïence jusqu'au jour où je l'ai laissée tomber par terre. Et là, je me suis aperçu que c'était vraiment de la faïence et que ça désolait toute la maison. Et comme elle avait une couleur qui était complètement différente et qu'elle avait une allure de grosse grenouille, gros crapaud, effectivement, on ne pouvait pas soupçonner une seconde que c'était aussi de la faïence et qu'il y avait déjà à cette époque-là quelques objets dits objets d'art qui servaient uniquement à la décoration. Indépendamment de ça, quand les femmes se mariaient, elles achetaient tout un service de table, les assiettes, les grandes, les petites, les creuses, les plates et tout. Et il y avait aussi les soupières. Et maintenant, les soupières de cette époque-là ont une valeur de 3 000, 4 000, 5 000 selon l'époque, selon la signature et selon la conservation, évidemment. Cette entreprise artisanale bretonne exporte ses produits et notamment aux États-Unis. Un bol en faïencerie de Quimper que vous achèterez peut-être sur la côte est des USA a été fabriqué en Bretagne, sur les bords de l'Aude. Françoise Benoît le confirme. C'est vrai que toute la faïencerie de Quimper, tout ce qui sort des ateliers des faïenceries de Quimper est fabriqué à Quimper sur place. Il n'y a qu'une production nulle part ailleurs. On ne fabrique de la faïencerie HB Henriot uniquement à Quimper. La faïencerie a été rachetée, ça va bientôt faire 15 ans, par un couple d'Américains. C'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre parce que certains Français voyaient dans ce rachat la perte du patrimoine, mais je crois qu'il faut se rassurer parce qu'aujourd'hui, il faut être content que la tradition est préservée et ça c'est hyper important qu'une entreprise de cette ancienneté ait gardé sa tradition, son pain à main. Peut-être si ça avait été un Français, peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui la tradition parce qu'il aurait peut-être privilégié la rentabilité à la tradition et je crois que c'est quand même important. Et la faïencerie n'a quand même pas été donnée comme ça tout de suite à un Américain. C'est parce qu'il était le seul acquéreur qu'il a pu acquérir la faïencerie de Quimper. Et je pense qu'en plus, il devait être passionné par cet art. Ah oui, il était passionné. Il était importateur déjà exclusif de la faïencerie sur les États-Unis. Sa femme avait déjà sa première boutique à Stonington dans le Connecticut. Et ce n'est qu'après qu'on a ouvert une autre boutique à Alexandria en Virginie, près de Washington DC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une foule de revendeurs sur tous les États-Unis. En guise de conclusion, écoutons Olivier Stéphan qui nous confie que dès qu'il en a la possibilité, il tente de dénicher l'objet rare qui viendra agrandir sa collection de poterie bretonne. Quand je me trouve dans n'importe quel restaurant et que je vois les assiettes accrochées au mur, j'ai toujours tendance à regarder s'il y a une signature dessus et très souvent, je demande à l'aubergiste si c'est du Quimper, s'il n'en est pas sûr, je dis, vous pouvez me descendre l'assiette, je regarde si elle est signée, etc. Parce que on trouve énormément dans les brocantes maintenant, beaucoup de Quimper. Il y a deux générations de Bretons qui ont plus ou moins essaimé un petit peu partout, qui vendent des pots qui ne sont pas très jolis, qui sont ébréchés, des assiettes qui ne sont pas assorties et autres. Et on trouve énormément de Quimper et on fait l'analogie avec la porcelaine de Bayeux. Moi qui suis féru de brocante, quand je vais dans une brocante, instantanément il y a le bleu de Bayeux qui est reconnaissable, comme il y a le Quimper qui a un bleu différent, qui a surtout une cuisson différente, et les personnages aussi sont différents. On trouve énormément de petits objets en brocante qui valent 150, 200, 300 francs, mais vous attendez pas à trouver des pièces rares. Elles se trouvent de toute façon plutôt dans les armoires des grands-mères bretonnes qui les ont encore que dans les brocantes.